faux, pas ma roue aventurée, fini les pauvres et l'enfant, désespéré, négligé, fini les riches, les marrons, passez les méchistes qui font, butiner, pousser le recul, sur des durs accords de rock. Rien ne se perd, rien ne se craint, plus accélère, rien ne se perd, rien ne se craint. Michael Thomas en prison, le noir s'est déplacé, McLaren a innové, violent comme un coup de poing, sans son comme un coup de pas, sans aiguille très violent, sur des coups à corps de rock. Rien ne se perd, rien ne se craint, tout s'accélère, rien ne se perd, rien ne se craint, tout s'accélère. Étudie la durée, chacun a un disque rock sur des vieux accords de rock.